gâchée si je n'ai pas aidé l'orphelin. Une journée de gâchée si des enfants meurent de faim. Une journée de gâchée si je n'ai pas sauvé mon prochain. Une journée de gâchée, mais heureusement tu es là mon amour à moi. Dans tes bras je comprends que je ne serai rien sans toi. Tu es plus douce que 1000 carrés de chocolat. Comme la nuit s'est rêvée, je sais où on va. Je cherche un sens à ma vie. J'ai l'impression d'être un loup dans la nuit. Mais pourquoi je suis ici? Mais pourquoi je suis ici? Je ne suis qu'un néant dans l'infini. Yo, Trunel, c'est ton Crowfan Club, mec. Ouais, on est venu là pour vous supporter, les gars, y'avait de la zik. Alors c'est quoi, vous faites une nouvelle chanson là? C'était quoi ça? Un truc dans la balle qui déchire sa race ou quoi? Ouais, c'était... En fait, on était en train d'enregistrer une nouvelle chanson là, tu vois quoi? Enfin, on improvisait en fait, vous tombez bien parce qu'on... C'est des paroles là, que là? Non, regarde pas, c'est un connard qui nous a donné ça. Non, là on va improviser un truc de fou. Un truc qui déchire, ça va trop vous faire zizir quoi les gars. Ok, allez, défonce tout. Une journée de gâchée, si j'ai pris le temps de me laver. Une journée de gâchée, si je n'ai pas regardé la télé. Une journée de gâchée, si je n'ai pas 3 pizzas dans le bide. Une journée de gâchée, mais je crois que faire des journées de merde, c'est ça le bonheur. Je vous assure à tous que c'est bon d'être un vrai chômeur. Fais pas attention à la marche, tu risques de tomber. Grâce à Arthur, j'ouvre des boîtes juste avant de manger. Je cherche une chaussette sous le lit. Je n'en ai plus de propre depuis lundi. Et on est vendredi. Faut que je pense à racheter des raviolis. Elle est trop classe. Juste un chien, pas de femme donc pas d'emmerde. D'ailleurs demain je vais à la chasse. Le braconnage c'est pas de la merde. Alors les gars, vous en avez pensé quoi de notre chanson? Ah certains chient grave trop tu vois. Oh, vraiment de la balle de boum tu vois, t'es con quoi. Ouais, on va vous répondre, vous dire ce que ça vaut dans notre cœur de fou. Conclusion de malade que vous méritez. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Trunel, c'est notre modèle. Leur vie est exemplaire. Leur chanson, c'est de l'or à l'appel. Notre patrie, la France, peut en être fière.